Ouais, vers ça. C'est Rémi. Maman, je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ouais. Maman, je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ouais. J'ai ton sang dans mes veines. Ouais. Je suis ton prince des marraines. Ouais. Ce son, il est pour toi. Il est pas pour ces. Pardonnez, pardonnez, tu m'as trop pardonné. T'as fini par me donner. Moi je faisais l'étonner parce que d'habitude j'avais jamais ce que je voulais. Maman je sais pas pour nous comment ça va finir. Mais avant je veux plus voir tes pleurs que ton sourire. Pour l'instant j'ai vu des larmes par centaines. Si je fais des efforts pour grandir c'est parce que je t'aime. Je vois que les années passent et tu te rapproches déjà de la cinquantaine. Je vois que les années passent et je vois que papa a déjà la cinquantaine. Enfermé dans un HLM. Quand y'a pas l'ascenseur tu prends l'escalier. Tu bousilles la santé, tu marches partout pour ton bonheur est sous tes pieds. Pas de prix pour ton beau sourire. Quand tu vois la facture je veux plus ton soupir. Toi t'es pas comme ces racistes, toi tu cohabites car aimer c'est s'unir. Ne me quitte pas. On connaît que Lidl car vide le portefeuille. On connaît que Lidl car vide le portefeuille. La vie c'est une pute depuis qu'on devient un homme par le deuil. Ne me quitte pas. Moi je veux m'en sortir car j'ai commencé avec rien. Ouais, ouais. Je pense pas à demain, aujourd'hui t'es avec moi donc partons loin. Maman je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a du chemin c'est encore loin. Maman je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, on a du chemin, c'est encore loin. Maman, je ne veux pas dormir, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, on a du chemin, c'est encore loin. Je ne veux pas dormir, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, on a du chemin, c'est encore loin. Maman, t'es la meilleure, même si tu me criais dessus tous les quarts d'heure. L'argent donne à ta mère, elle t'a donné la vie, ça vaut plus que tout l'or. Elle te dit reste avec moi et toi tu fais que du dire ouais ouais tout à l'heure. Et quand tu claques la te porte, tu te rends même pas compte de son malheur. Maman, je sais pas pour nous comment ça va finir. Mais avant, je veux plus voir tes pleurs que tes fossettes. J'ai travaillé, travaillé dur. Et pour voir ton sourire, je crois que j'ai trouvé la recette. Dans le couloir, tu te répasses à 6 du matin. Moi, je commence ma vie. Et moi, je viens de commencer ma nuit. Toi, tu travailles depuis près de 26 piges. On a vécu dans HLM. Même pas d'argent pour aller chez H&M. Tu me remettais ma couverture. Donc, dans le livre de ma vie, bah, tu seras mon thème. Mieux vaut marcher que courir. Si tu prends le temps, y aura plus de souvenirs. Et je rigolais un peu plus quand je pensais que papa pouvait encore revenir. Ne me quitte pas. Je pense qu'à aujourd'hui car hier c'est passé, demain c'est loin. Loin. Je veux que tes yeux voient de beaux horizons et pas de sales coins. Ne me quitte pas. Je t'ai tué en amour mais pour toi je pourrais jamais l'être. Jamais. Jamais j'aimerais une femme plus que celle qui m'a fait naître. Maman je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a du chemin c'est encore loin. Maman je ne veux pas dormir. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, on a du chemin, c'est encore loin. Maman, je ne veux pas dormir, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, on a du chemin, c'est encore loin. Je ne veux pas dormir, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, on a du chemin, c'est encore loin. On a du chemin, c'est encore loin. Ne me quitte pas, même si un jour faudra. C'est Rémi.